Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. J'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Le regard des curieux comme unique linceul. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine, dit un ancien para à quelques arrivistes. Ces mecs c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent, qu'on est un être humain même si on est truand, et que ma mise à mort n'a rien de légitime. Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère, dit un père béret basque à un jeune blouson de cuir. Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère, réponds jeune pour finir. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Et monsieur Blancassis continue son délire, convaincu que déjà mon âme est chez le diable, que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je ne suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence. C'est bien fait pour sa gueule, ce n'est qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour sa peau. Elle n'a pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort. Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ces quelques larmes me réchauffent le corps. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau. C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.